Comme d'habitude, elle m'a sauté au cou, m'a embrassé tendrement en dessous de l'oreille. J'ai senti son souffle me caresser les tympans. Elle m'a serré d'une manière assez franche, assez amoureuse. J'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser dans le cou. Je sais pas si c'est mon baiser tendre ou si c'est elle amoureuse. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai emmené dans ma chambre. Sur mon lit, je l'ai étendue. Elle était là détendue. Son regard pétillait. J'ai commencé à m'approcher d'elle. Je suis même monté sur elle. Avec mes mains, je serrais ses épaules et l'embrassais tendrement dans le cou, lui mordillant même le lobe de l'oreille. Puis je suis descendu jusqu'à ses seins, ses jolis seins, ses si jolis seins. Je les caressais tendrement. Avec ma tête, je descendais langoureusement jusqu'à son nombril, où je faisais glisser ma langue. Ma langue qui courait sur son ventre. Avec mes mains, j'ai commencé à lui enlever son pantalon. Je voyais d'un seul coup ses petits poils pubiens qui m'attiraient. Je n'avais qu'une seule envie, qu'une seule idée, c'était de fourrer mon nez, ma langue. J'ai commencé à descendre, à descendre, à descendre, jusqu'à lui enlever son pantalon. Je remontais mes mains sur ses cuisses jusqu'à sa belle petite minette poilue. Puis ma langue alla caresser délicatement son clitoris avec amour, avec tendresse. Une fois les petits gémissements arrivés, je remontais vers son visage pour l'embrasser. Et humide rentra dans ma bouche. C'était tellement bon, tellement, tellement bon. Avec ses mains si délicates, elle commença à baisser mon pantalon. Elle m'a dit: viens, viens, emmène-moi au 7e ciel. Emmène-moi loin de mes soucis. Je suis bien avec toi, je suis là. Je vais te donner tout ce que tu souhaites. Je vais te donner du plaisir. Je vais tout te donner. Et j'ai commencé à m'introduire dans son fort intérieur. J'ai commencé à lui faire ressentir le vrai bonheur. Son visage détendu mais rempli d'amour, rempli de plaisir, me donne encore plus le plaisir. Une passion torride et interdite. Unis dans un plaisir éphémère. Je vais vous dire quelque chose, mais c'est un secret. Chut. Cet amour. interdit fou de son visage, fou de son corps, fou de son sourire. Je suis fou, fou, tout simplement fou d'elle. Elle me manque. J'aimerais être auprès d'elle, tout de suite, maintenant.